Extrait de la lettre du 6 juin 1924 d'Antonin Artaud à Jacques Rivière, avec la voix de Bertrand Belin. Et voilà, monsieur, tout le problème. Avoir en soi la réalité inséparable et la clarté matérielle d'un sentiment, l'avoir au point qu'il ne se peut pas qu'il le s'exprime, avoir une richesse de mots, de tournures apprises qui pourraient entrer en danse, servir au jeu, et qu'au moment où l'âme s'apprête à organiser sa richesse, ses découvertes, cette révélation, à cette inconsciente minute où la chose est sur le point d'émaner, une volonté supérieure et méchante attaque l'âme comme un vitriol, attaque la masse mot et image, attaque la masse du sentiment, et me laisse, moi, pantelant, comme à la porte de la vie même,